cours numéro 34. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salat wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله تعالى الواحد أي من أسماء الله عز وجل الواحد وهذا تقدم معنا سبق الكلام على هذا الاسم مع اسمه تعالى الأحد هكذا قال في الحاشية الأحد تذكرون au début du livre et il avait ajouté الواحد الواحد الأحد هو الذي توحد بجميع الكمالات وتفرد بكل كمال أي الله سبحانه وتعالى il est unique il est unique في الربوبية c'est lui le seul créateur il est unique في الألوهية أي c'est le seul qui mérite l'adoration جل وعلا il est unique dans ses noms et ses attributs سبحانه وتعالى وهذا ولله الحمد on l'a étudié ensemble au début du livre ثم قال رحمه الله الواسع قال في الحاشية ودليل هذا الاسم قال الله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم دونك الواسع من أسماء الله سبحانه قال الشيخ سعدي رحمه الله الواسع الصفات والنعوت النعوت جمع نعت c'est le même sens que الصفة الصفات الواسع الصفات والنعوت On a étudié ensemble certains noms qui ressemblent à هذا الاسم أي من حيث المعنى عند من تفضل من يعين الأخ tu sais qui aide le frère الواسع الصفات والنعوت عندك الكبير لا بأس ها المجيد المجيد أحسنت وكذلك عظيم. أحسنت العظيم العظيم المجيد كيس كنا بيدي اسم العظيم المجيد تفضل إنهم يدخلون في كل اسم وصفة ماذا يدخل في كل اسم وصفة المجيد والعظيم المجد والعظمة Et min ma'ani al-majd wal 'azama, on avait dit quoi? Ça montre quoi al-majd wal 'azama? Al-kathra wal sa'a. Al-kathra wal sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala il est azim, il est majid. Ay, on avait dit hada c'est par rapport à tous ses noms, tous ses attributs, il est azim fi 'ilmihi. Il est azim fi dhatihi. Il est azim fi qudratihi. Wa hakadha pour le majid. Wa hakadha pour le wasi'. Vous connaissez le mot wasi'? Tu dis maintenant, cette chambre, elle est wasi'a. Ce masjid, il est wasi'a. Il est vaste, il est grand. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le wasi'a. Qala rahimallah, al wasi'a as-sifat wa al-nu'ud. Aïe, ses attributs sont azim. Qala wa muta'alliqatuha bihayth la yahsi. Naam, هنا on a alif matouya, aïe as-sawab, c'est un hiya, la yahsi. Ahadun thana'an alayhi. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى العظيم سي الأكبر فلا أحد يحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى بل هو كما أثنى على نفسه كما جاء في الحديث نحن on est limité الثناء c'est le fait de faire les éloges مثلا on ne peut pas citer tous les noms d'Allah عز وجل لماذا؟ لأن on ne les connaît pas tous بعض الأسماء الله سبحانه وتعالى استأثر بها في علم الغيب عنده فإن نوزا با انفورمي لا انفورمي بيرسون لا با ريفيلي سي نو دونك اون بو با لو فير لي لوج افيك سيرتان نو كون نو كوني با هذا سا مثال دونك الله سبحانه وتعالى لي واسع في صفاته عز وجل بل هو كما اثنى على نفسه نعم الى سيتي على لا بارتي دو حديث واسع العظمه والسلطان والملك الله اللي واسع العظمة والسلطان والملك تأمل dans ما يتعلق في في أو بملكوت الله عز وجل que ce soit les cieux la terre et لا شك أن عظمة المخلوق Et quand tu as une information ou que tu vois un makhlouq qui est grand, qui est énorme, ça montre que le khaliq il est adam, c'est la créature. Elle a cette force, cette grandeur. Il n'y a aucun doute que celui qui l'a créé, il est encore plus grand et il est adam. Ça, il n'y a aucun doute. Attends, تأمل في بعض الحيوانات حجمها ووصفها des animaux ils ont des caractéristiques عجيبه عظيمه une certaine hauteur un certain point une certaine force بل تأمل في السماء au-dessus de toi تأمل في قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والارض. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala il a employé le fi'l وسع. Et le masdar c'est wasi' ou le nom plutôt ismul fa'il c'est wasi' la wazn fa'il lakin le masdar c'est le même as-sa'a quelque chose de vaste fa qala azza wa jalla wasi' kursiyyu as-samawati wal ard al-kursi kama ja'a 'an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumā annahu samawdi' qadamay ar-rahman. Ça c'est le kursi faqat, ce qui traduit par le trône c'est un khata. Le coursi, ce n'est pas le trône. C'est pour ça que traduire ayat le coursi par le verset du trône, c'est un khatan wadih. Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'a kursiyyu. Donc traduire le ayat le coursi par le verset du trône, c'est un khatan. C'est le verset du coursi. Faqal azza wa jalla, wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard. Le coursi, il est plus vaste que les cieux et la terre. Ça, c'est le coursi. Le coursi par rapport au trône, كما جاء في بعض الآثار كنا نتدي أنصان في عرفان كتاب التوحيد باب وما قدر الله حق قدره أن الكرسي par rapport au trône c'est comme une pièce, une toute petite chose في أرض فلا. C'est comme une toute petite chose que tu jettes dans un désert immense. Cette petite chose c'est rien par rapport à cette immense surface. جاء في بعض الآثار et certains de ces athars da'ifa, laquelle on avait vu que certains thabita, al-kursi par rapport au trône, c'est comme cette pièce, cette petite chose au milieu de ce désert. Ça, c'est le kursi par rapport au trône. Donc le kursi, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard, il est aussi vaste, il est plus vaste que les cieux et la terre. Ça, c'est le kursi. Le trône, c'est incomparable, il est encore beaucoup plus grand que le kursi. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus du trône et Allah il est a'zam. C'est l'azim subhanahu. كذلك قال واسع الفضل والإحسان. Allah il est واسع في صفاته عز وجل. Il est azim dans tous ses attributs. Et كذلك واسع الفضل والإحسان. Ça c'est une bouchra pour le mu'min. Et من ثمرات هذا الاسم qu'on peut citer أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله. Allah il est واسع الفضل. Al-Fadl, c'est les bienfaits, les bonnes choses. Al-Ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Karim. Et on a vu beaucoup de noms liés à ce sens. Allah, c'est le Barr, c'est le Karim, c'est le Wahhab, c'est Ar-Rahim, c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Razzaq. Beaucoup de noms. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne, c'est le Mu'ti, Azza wa Jal. Donc, ne désespère jamais. Ouais, c'est Al-Fadl. Ne désespère pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la guider, il aime guider ses serviteurs. Demande-lui, faqat, fais les causes. Et même si tu fais un minimum de causes, Allah il te donnera beaucoup. L'imam al-Ali, annahu il est wasi' al-fadl. Kadhalik al-ihsan. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Si tu fais des efforts pour donner, pour être muhsin envers les autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il est wasi' al-fadl wal-ihsan. Tu feras un peu. Il te donnera énormément. Jalla wa ala. Azimul joud wal karam. Al-Jawad, on avait vu que c'était. Ba'd al-ulama, il disait que c'était un nom parmi les noms d'Allah. Wa al-sahih, c'est que hada fihi nadar. Amal joud, la chèque que c'est une sifa parmi les sifa d'Allah Azza wa Jal. Et al-karam, on avait vu hada en détail dans l'explication du nom al-karim et al-akram. Wallahu a'lam. ثم قال رحمه الله الودود والدليل على هذا الاسم قوله عز وجل وهو الغفور الودود فهذا يمكن دود كسانه بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ سعدي رحمه الله الودود هو المحب المحبوب المحب المحبوب الودود ça renferme ces deux sens. Allah subhanahu wa ta'ala al-wadud, il aime. Qala rahimahullah al-wadud wa huwa al-muhib al-mahbub. Et Allah il aime et que d'alik nahnu on doit l'aimer. Allah il aime et nahnu on doit l'aimer. Et bima'la, et il a cité wadun wa mawdud. Qala fa huwa alladhi yuhib anbiya'ahu wa rusulahu wa atba'ahum wa yuhibbuna. Donc après avoir cité cette faïda plutôt dans la langue arabe, rahmatullah alayhi, il a cité le sens. فَهُوَ الَّذِي يُحِبْ. Allah c'est le wadoud, donc il aime. Il aime qui? Subhanah, anbiya'ah. Bien sûr, il aime ses prophètes et ses messagers. عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَأَتْبَعَهُمْ. كَذَلِك, il aime les suiveurs des prophètes et des messagers. وَيُحِبُّونَ. Et les prophètes et les messagers, عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et كَذَلِك, leurs suiveurs, les croyants, ils aiment Allah. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le wadoud, et lui ma'na al-wadu, celui qui aime, et al-mawdud, celui qui est aimé. Qala fa huwa ahabbu ilayhim min kulli shay qad imtala'at qulubuhum min mahabbatihi. Allah subhanahu wa ta'ala il est ahab ilayhim ay ila al-mu'minin min kulli shay. Si un nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'aimer. La yu'min wahadukum hatta akun ahabbu hatta akun ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wal nasi ajma'i. Hadith Anas radiyallahu anhu taqaddam ma'ana kathira. Fa la shakana Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'aimer plus que tout. Et on doit aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que nos familles, plus que nous-mêmes. On doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et on doit aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam. Qal wa njadabat af'idatuhum ilayhi wuddan bi-dham al-waw. Al-wud, c'est al-mahabba. C'est le fait d'aimer. Wa ikhlasan wa inabatan min jami' al-wujud. Na'am. Wa af'idatuhum wa njadabat af'idatuhum ilayhi. Le cœur de ses croyants, la chaque année, ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك, ça va les pousser à être sincères ou كذلك, ça va les pousser à se repentir. Ça, c'est les fruits de cette mahabba. Ça, c'est les fruits de cette mahabba. Si cet homme ou cette femme, ils aiment Allah azza wa jal, la chaque, ça doit les pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il va vouloir obéir à Allah azza wa jal. Celui qui aime quelqu'un, en général, il n'aime pas lui désobéir et qu'il se mette en colère contre lui. Enfin, celui qui aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il doit faire des efforts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de lui, il ne se mette pas en colère contre lui. Wa hakada. Thumma qala wa la tu'adil mahabbatullahi min asfiyaihi mahabbatan ukhra la fi asliha wa la fi kayfiyatiha. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est plus forte que tout, que tout. Qala, la fi asliha, wa la fi kayfiyatiha, wa la fi muta'alliqatiha. Et on avait détaillé hada, wa lillahi alhamd, dans Kitab al-Tawhid. On avait expliqué le verset et d'autres points par rapport à al-mahabba. Qala, wa hada huwa al-fard al-wajib. An takoun mahabbatullahi fi qalbi al-abd sabiqatan li kulli mahabba. غالبة كل محبة ويتعين أن تكون بقية المحاب تبعا لها. هذا كلام عظيم. هذه المحبة c'est pas qu'une prétention. لأن أكثر الناس يبخطون بإمي الله عز وجل. حتى اليهود والنصارى أهل الكتاب يبخطون هذا. لكن c'est une prétention sans aucun fondement. الواجب أن تكون محبة العبد في قلب العبد سابقة لكل محبة. سسا علامة المحبة الصحيحة. أي le signe que cet amour il est fondé sur quelque chose d'authentique, c'est que cette محبة elle passe avant tout. Ça veut dire quoi هذا? Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné une chose, c'est qu'il aime cette chose, tu ne dois pas obéir à un autre pour délaisser cette chose. Il y en a, si tu aimes Allah plus que les autres, lâche que tu feras passer son obéissance avant les autres. La ta'a li makhluq fi ma'siyat al-khaliq. Pourquoi? Li'anna al-khaliq, le croyant, il l'aime plus que les autres, donc il ne doit pas faire passer l'obéissance d'un autre avant celle d'Allah. Azza wa jal. Qala wa yata'ayyan an takun baqiyatu al-mahab. المحبة هي المحبوب. أي توت لي جو شوز كون نيم يعني أنا الله دي دي شوز لكن لابد أن تكون تبعا لها. Ça ne doit pas contredire l'amour d'Allah Azza wa Jal. Si ça contredit ou c'est en opposition avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, cette mahabba, elle fera beaucoup de mal. Cet amour, il fera beaucoup de mal à ce serviteur. فَلِهَذَا لَا يُحَبْ بِذَاتِهِ أَحَدٌ إِلَى اللَّهِ subhanahu wa ta'ala. On aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on aime les croyants, on aime les prophètes, on aime beaucoup de choses. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى nous a ordonné. أو الله سبحانه وتعالى il a fait que cette chose on doit l'aimer, elle fait partie de son din. أما الله سبحانه وتعالى on l'aime بذاته أي on l'aime lui-même. أما autre on les aime par rapport à الله سبحانه وتعالى. Et si cette محبة elle contredit la religion d'Allah سبحانه وتعالى on ne doit pas l'aimer. Même si c'est أقرب الناس. كما قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله من حد الله أي من عصى الله ورسوله ceux qui s'opposent à الله سبحانه وتعالى et à son messager عليه الصلاة والسلام on ne doit pas les aimer même si c'est أقرب الناس. أما المحبة الطبيعية l'amour naturel on a déjà expliqué كثيرا أن هذا c'est من طبيعة الإنسان tant que ça reste naturel ça pousse par المعصية فهذا l'être humain il a été créé comme ça ça fait aucun mal. لكن محبة كنو بوسا ديزوبيغ الله عز وجل لا شك أنها سيغال أو أمي سكافر ممسي لبخوش بغابور à son دين بغابور à sa situation de كفر هذا ستخدخل. قال ومحبة الله هي روح الأعمال وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله. فتأمل هذا الكلام أن هذه المحبة محبة الله سي روح الأعمال. لماذا؟ لأن ست صلاة que tu fais sous siyam c'est quoi qui te pousse? C'est que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. وإلا tous ces sacrifices tu t'abstiens de telle chose de telle chose tu subis des épreuves ربما tu es critiqué. Pourquoi? لأن tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala il sera satisfait de toi celui qui a une bonne intention. فلهذا celui qui a comme intention de هذه العبودية الظاهرة de se rapprocher d'autres qu'Allah, ce n'est pas accepté. Abadan, مثلاً, celui qui fait salat pour se montrer, فقط, كحال المنافقين, ils faisaient salat, ils faisaient certaines adorations, pas parce qu'ils aimaient Allah عز وجل, لا, بل كانوا لا يؤمنون, ils ne croyaient pas, et ils détestaient le Rasoul, عليه الصلاة والسلام, لكن, c'était pour un profit de dunya, c'était pour acquérir certaines choses de ce bas monde, ou pour préserver leur bien et leur sang, فقط, فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه لا يقبل بعد. فروح الأعمال، la base, l'âme de toutes nos œuvres, c'est l'amour d'Allah سبحانه وتعالى. Ce qui va te pousser cette volonté, c'est quoi? C'est que tu aimes. حتى في الدنيا. Si tu fais une chose, c'est parce que tu l'aimes en général. Tu vas pas faire une chose que tu détestes. Et là, dans certains cas, si tu es forcé, si tu n'as pas le choix. لكن si c'est lié à ta volonté, on te demande de choisir, tu vas choisir une chose que tu aimes. Tu vas manger telle chose et elle t'aime cette chose. On te propose deux plats, un plat que tu aimes, un plat que tu détestes. Et on te dit choisis. Tu vas choisir le plat que tu aimes. فعل الإنسان c'est par rapport à المحبة. فالطاعة, la base de الطاعة c'est المحبة. Et bien sûr avec le خوف ou le رجاء. Tu espères que ce عمل soit accepté. Le خوف, c'est-à-dire que tu crains que l'عمل soit rejeté et tu as peur de te faire châtier. Et tout ça c'est fondé sur المحبة. وهذا تقدم معنا أذكر في تفسير سورة الفاتحة أنا بسيتي هذه الأركان الثلاث المحبة والخوف والرجاء دون كتاب التوحيد دون تدخل ولله الحمد. قال هو محبة العبد لربه فضل من الله وإحسان. هذه المحبة سمن عطاء الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كي أفصل التأسيب سكي أميك تو أم سدين دون تنكر. مثلا تتخوف بعض الناس يدتست الدين يدتست البروفة عليه الصلاة والسلام يدتست الشريعة يبغي إليميني للمسلمين فير ديسباريت القرآن اللي فغي تلمو كيدتست تلمو كيدتست الإسلام اي أنت كي سي كي أفك دون تون كور تير سي كالكان سموك بروفة صلى الله عليه وسلم سا تبلز سا مونتر محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لله سي كالكان سموك دالله عز وجل سا تتوش سي كالكان fais des efforts dans son dîn, ça te réjouit. Tout ça, c'est هذه المحبة qui fait bouger ton cœur. C'est une ni'ma azima. فالإنسان يجب عليه أن يشكر الله عز وجل. Beaucoup de gens n'ont pas cette ni'ma qu'on a. Ni'matu l'iman wa ni'matu al-mahabba. قال ليست بحول العبد ولا قوته. Ça n'a rien à voir avec la force de l'insan, ses efforts, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La chakana, les causes, les efforts, ça va faire augmenter cette mahabba. Lakin, même les efforts, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité. Fal fadl, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. قال فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازه الله بحب آخر. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a guidé ce abd, qui a mis cet amour dans ce cœur. قال فجعل المحبة في قلبه ثم لما أحبه العبد بتوفيقه أي بتوفيق الله جازاه الله. Allah subhanahu wa ta'ala le récompense بحب آخر. فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا c'est من إحسان الله عز وجل أنه il te guide, il te fait aimer al-mahabba, il te fait aimer plutôt hadith-din, il te fait aimer ses messagers, il te fait aimer le fait d'œuvrer. Thumma, il te récompensera. Cette récompense, kadhalik, tu l'aimeras. Tout ça, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite à être reconnaissant. Cette reconnaissance, Allah, il l'aime. Ça vient d'Allah azza wa jal, wa hakadha. قال فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة إذ منه السبب ومنه المسبب ليس المقصود منها المعارضة وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد. صحيح لكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشكرون وإلا فالمصلحة كلها سبب العبد. الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا سي الغني. Il a besoin de personne. C'est le Qawi, c'est l'Aziz. C'est le Malik qui possède tout. Il n'a pas besoin de l'Abd. Tout ça, c'est min fadlillahi azza wa jal wa ihsan. Taqaddam ma'ana anna Allah subhanahu wa ta'ala wasi'ul fadl wal ihsan. Donc il facilite à ce Abd, il lui donne. Et en fait, c'est pour notre bien. Qala fatabaraka alladhi ja'ala وأودع المحبة في قلوب المؤمنين ثم لم يزل ينميها من النماء. ينميها أي c'est le fait de faire grandir une chose. Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui a placé المحبة dans le cœur des croyants et كذلك c'est lui qui fait grandir هذه المحبة. قال ويقويها ça se ressent. يقويها il la renforce عز وجل حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحب أي تزول تذهب tellement que بعض المؤمنين ils font des efforts في هذا الباب ils ont une محبة قوية حتى leur seul objectif ça devient محبة الله سبحانه وتعالى. Ils font plus attention qu'un tel il est satisfait, il n'est pas satisfait, il l'aime, il ne l'aime pas. الأمر عنده سهل. C'est pas grave pour lui في الحقيقة. لماذا؟ L'objectif c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah nous aime. Ben l'objectif en fait c'est qu'Allah nous aime. Comme les gens ils aiment Allah et Allah il les déteste, ça suffit pas. Il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre son messager alayhi salatu wassalam. Amma faqat une prétention, ça sert pas à grand chose. Et en général ceux qui aiment vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, khasatan s'ils sont conseillés, ils reviennent sur le droit chemin. Et si ils étaient égarés aussi, se trompaient. قال وتسليهم أي هذه المحبة عن الأحباب وتهون عليهم المصائب. تسليهم ça vient de التسلية هذه المحبة أي محبة الله سبحانه وتعالى. فسي الإنسان il est éprouvé بمصائب la perte d'un proche, une maladie إلى آخره. فالحقيقة هذه المحبة تسلي, ça vient de تسلي, va le consoler. C'est pour ça que le mu'min, القوي في إيمانه, القوي في محبة الله عز وجل, il patientera énormément. لماذا؟ لأنه il sait qu'il est fait أعظم نعمة. Même s'il a perdu ce proche, même s'il a subi une injustice, il sait que في الحقيقة, الله سبحانه وتعالى, il va donner un bienfait عظيم. أي, هذه المحبة. فلا شك سبعة لكونسولي يبا باسيونتي دون بوكو دو شوز. أما celui qui n'a pas هذه المحبة في قلبه ربما لا موندر دي شوز يديزيسبير لا موندر دي شوز لي وساوي سيغونت سوء الظن بالله. Il se pose trop de questions. Il baisse très vite les bras. Il est souvent triste, هذا الإنسان. Pourquoi les anahou, il a un problème في هذا الباب. Ya akhi, si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais des efforts et Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il y a des alamettes que Allah il aime l'insan. Anahou, il fait des efforts dans la science, il fait des efforts dans l'adoration, il fait des efforts dans le suivi du prophète alayhi salam. Tout ça, c'est des signes qui montrent que هذا العبد il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as ces choses, tuhmadillah. Si quelqu'un t'a critiqué, l'amr sahl. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est pas un problème, هذا في الحقيقة. Si Fulani t'insulte, il t'accuse, l'amr sahl. Si tu es rejeté par certains, c'est pas grave. L'essentiel, si Allah il t'aime, si Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, il t'élèvera. حتى جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما أو شخصا فينادي جبريل. الله سبحانه وتعالى quand il aime quelqu'un, ينادي جبريل. أي لقل جبريل et il lui dit إني أحب فلان, j'aime un tel. فجبريل il l'aime. انظر حال هذا المؤمن. Ce kafir s'il t'aime pas, ou cet innovateur s'il te critique, ou cet injuste, cet ignorant, il te rejette. Si tu penses à ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Maintenant, on prend l'exemple de ce croyant, un croyant parmi les croyants. Thumma Jibril il aime. Alhamdulillah. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah c'est ton wali. Allah c'est être humain. Marubama il t'aime, il te rapproche, il te fait plein de problèmes. Bardanès, tellement qu'ils aiment, ils font des problèmes. Ils n'arrivent pas à se maîtriser. Thumma, Jibril, yunadi, fils sama. Thumma, Jibril, il informe tous les anges, fils sama, inna Allah yuhibbu fulan. Ta ahibbu. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime un tel. Son nom, fulan ibn fulan. Et tous les anges, il l'aime. Fal'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce croyant. Jibril. Il aime ce croyant et tous les anges. Allah alam combien de milliards d'anges. Allah alam. Comme a dit le hadith, ma min mawdi' fi as-sama' illa malakun sajid. Chaque endroit, chaque parcelle de chaque cieux, il y a un ange qui est prosterné. Ça fait des milliards, Allah alam combien. Tous ceux-là, ils aiment ce croyant. Thumma, بعد ذلك في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد القبول في الأرض. Même si certains les rejettent, ceux qui ont du khayr, ils l'accepteront et ils l'aimeront. Même s'ils sont peu nombreux. Vaut mieux être peu et s'aimer villas, dans l'amour sincère et se conseiller, se renforcer, s'entraider, qu'être nombreux et, ils ont une mahabba, elle est mouzayyifa. C'est de l'apparence. Il fait croire qu'il t'aime, mais. Et في الحقيقة القلب la jalousie des fois elle prend le dessus sur le mahabba. On a les critiques, on a les bâtons dans les roues, là ils se font du mal qu'à eux-mêmes. On doit faire des efforts pour avoir de la quwwa fi hadha al-bab. Limala li anna vit dans un monde où le mu'min il a beaucoup d'ennemis. Shayatin wal ins wal jin wa a'wanihim, ils essaieront de te faire du mal, là tu dois rester fort. Bardonnais sont éprouvés par une femme, Bardonnais sont éprouvés par un enfant, Bardonnais sont éprouvés par un voisin, Bardonnais sont éprouvés par un ennemi, min al-kafara, min al-munafiqin, Bardonnais sont éprouvés par des innovateurs, Bardonnais sont éprouvés au travail. Bon, mais il doit rester fort. Fais les causes et ne lui donne pas beaucoup d'importance. Et reste fort. Tu es un mu'min et tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime et il te facilite. قال وتسليهم عن الأحباب وتهون عليهم المصائب وتلذذ لهم مشقة الطاعة. Si on aime vraiment une ibada, une mahabba qawiya, un amour très très fort, là je sais qu'on aura beaucoup plus de facilité à le faire. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه عليه الصلاة والسلام كما قال في الصلاة. Une des choses qu'il aimait le plus, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça le réjouissait jiddan, c'était As-Salah. C'est pour ça qu'il faisait beaucoup de salat fil layl, c'est pour ça que, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, les obligations, il faisait toutes les salawat recommandées, c'est notre modèle. Et il avait énormément de facilité. C'était la chose qu'il aimait le plus. Rihna biha ya Bilal. Ça le reposait. Nous, vu qu'on a des manquements, bien sûr, on n'a pas atteint ce niveau, on ne l'atteindra jamais. Mais on doit faire des efforts. On doit faire des efforts. On trouve une saveur fil ibad. Et tout ça, bien sûr, ça a des causes. Daïman, c'est la même chose, la sincérité, la science, les bonnes fréquentations. Il a réellement connaître la récompense. Anna, tu ne fais pas ça, ce n'est pas une corvée. C'est pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé aux croyants une énorme récompense. Thumma qala wa tuthmir lahum ma yasha'un min asnaf al-karamat allati a'laha mahabbatullah wal fawz bi ridah wal uns bi qurbih. Ça, c'est parmi les fruits de cette mahabba. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il les aimera. Et ça, c'est une ni'ma azima. لأن كما قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن الله يحبك. Ça ne suffit pas d'aimer Allah سبحانه وتعالى. Là, l'essentiel c'est qu'Allah il t'aime. Et هذا il y a des causes. Cheikh Saadi en a cité certaines. هنا قال فمحبة العبد ربه محفوفة بمحبتين من ربه فمحبة قبلها صار بها محب لربه. C'est qui a fait que ce abd il aime Allah? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis dans son cœur cette mahabba. Wa mahabbatun ba'daha shukran min Allah ala mahabbatin sara biha min asfiya'ihi al-mukhlisin. Et كذلك après cette mahabba, فالإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى. L'insan il doit être reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a guidé et il a mis cet amour dans ce cœur. قال wa a'zamu sabab يكتسب به العبد محبة ربه الذي هو أعظم المطالب. أعظم المطالب. La chose la plus importante qu'on doit fournir des efforts pour l'acquérir, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, il nous guidera, il nous donnera, il nous élèvera, il nous fera rentrer au paradis, il nous protégera, il nous préservera, il a akhira. أعظم المطالب c'est هذا. Et هذا المطلب, il a des esbeurs, il a des causes. Et pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première cause, al-ikthara min dhikrihi wa thana'a alayhi. Limadha li'anna al-muhib yadhkur man yuhib. Ça c'est clair. Quand tu aimes une chose, mathalan, tu te rappelles de cette chose. Mathalan, est-ce que wahid il oublie ses parents? Là. Limadha li'anna al-insan il aime ses parents. Tu te rappelles d'eux, ce rappel, ça te permet de leur acheter un cadeau, de leur téléphoner, leur rappeler, prendre soin d'eux, il a affaire. Enfin, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, mahabba qawiyya, il se rappellera de Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Dhikr wa ibadah wa ta'a wa kadhalik, il fait des efforts pour apprendre ce din, c'est le din d'Allah azza wa jalla. Là, chaque il fera tout pour se rapprocher d'Allah azza wa jalla. هذا الذكر. قال وكثرت نعم الإكثار من ذكره والثناء عليه وكثرة الإنابة إليه أي التوبة. الإنابة هي الرجوع. سأوصل للتوبة. ذكر هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى. Il voudra pas mettre en colère Allah عز وجل. Être la cause que Allah se met en colère. Même si faute, l'insan il fait des fautes. On a tous des faiblesses. لكن يكثر من التوبة والإنابة. C'est pour ça, et c'est ça sûr. Pourquoi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourtant Allah lui a pardonné ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout pardonné. Malgré cela, comme j'ai dit le hadith, il faisait tawbah 70 fois par jour ou 100 fois. Dans certaines assises, il faisait at-tawbah énormément. Allah lui a tout pardonné. Limadha li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'être humain qui aimait le plus Allah azza wa jalla. Pourquoi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup qiyam al-layl? Pourtant Allah il lui a tout pardonné. Et il pouvait se reposer. Lakin kana yajtahid kathiran. Hatta Aisha radiallahu anha rapporte qu'à ses pieds yatashaqqaqun, il s'ouvre la peau de ses pieds tellement qu'il restait debout. Afala akun abdan shakura. Limadha li'annahu il aimait Allah subhanahu wa ta'ala. Bel c'est, on répète, l'être humain qui aimait le plus Allah azza wa jalla. Qala wa quwwat at-tawakkul alayhi. نعم فاسي نكوز تتوكل على الله ام فريمون الله سبحانه وتعالى توكل عليه ني با بور حسن الظن بالله بونسي مثلا ك الله سبحانه وتعالى تي دونغا با سي تو لادور سي غراف هذا سي تو ام فريمون الله سبحانه وتعالى لا اوكان دوت ك الله تي دونغا لكن الله سي الحكيم Il sait mieux que toi. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Certaines choses, elles te feront du mal, ils ne te donnent pas. لماذا لأن الله عز وجل يتم سنو وفلشي كم سنو سنو فاسلتي كثيرا قال والتقرب إليه بالفرائض والنوافل ça c'est une cause عظيمة ça montre que المحبة c'est pas qu'avec la langue c'est pas une prétention لا المحبة c'est avec le cœur comme on l'a vu bien sûr tout le temps كذلك c'est avec la langue en lisant le Coran الذكر etc مثلا celui qui lit beaucoup le Coran ça montre qu'il aime Allah Azza wa Jal. لماذا لأن القرآن c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait il ressent le besoin de lire la parole d'Allah Azza wa Jal. لماذا parce qu'il l'aime. Et كذلك الأعمال كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث حديث قدسي الله سبحانه وتعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أي لا شوز qu'un insan il peut se rapprocher d'Allah, que la chose qu'Allah il aime le plus par laquelle l'insan se rapproche de lui, c'est les obligations. كذلك, plus l'insan il fait des efforts dans les adorations recommandées, qui ne sont pas obligatoires, et Allah il l'aime encore plus. Ça nous montre qu'on a les obligations. Et les adorations recommandées, c'est une cause énorme pour qu'Allah il nous aime. قال وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال. لماذا؟ لأن الإنسان s'il aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il fera des efforts pour que cette ibadah soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour un autre. Cette ibadah c'est un haq lillah. Pourquoi la donner à un autre? Ils prétendent que c'est des awliya et c'est eux qui sont rapprochés d'Allah azza wa jalla, et ils adorent des morts, yadam billah. Ils prétendent être des awliya et des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils appellent à être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al haqiqa hawla, ils pensent qu'à l'argent. Il y en a beaucoup ces choses de shirk. Shirkiyat al-Sufiya wa al-Rafidah, c'est fondé sur l'argent. Kathiran. Ha'oula, tu trouves kathir min ha'oula. Si le reste de la mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur, t'as très peu. Amma al-Ru'us, leurs leaders, les guides de al-Sufiya wa al-Rafid, la shakana, al-Rafid c'est des zanadiqa et kathir min al-Ru'us al-Sufiya kadalik. Qala, ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية بعض السلف اللي أبلي آية المحنة c'est une épreuve, c'est un test. Si tu aimes vraiment Allah سبحانه وتعالى applique ce verset قل إن كنتم تحبون الله. Beaucoup de gens ils prétendent هذا, on aime Allah سبحانه وتعالى. Les juifs ils ont prétendu هذا, les chrétiens ils ont prétendu هذا. Tout le monde prétend هذا. لكن الله سبحانه وتعالى il a cité هذا الشرط العظيم. هذا القيد المعتبر جدا. Et si vous aimez vraiment Allah سبحانه وتعالى, il y a une voix qui prouve la véracité, la sincérité de ce عبد qui prétend aimer Allah. Il y a une chose qui montre clairement. فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع. Suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. Plus l'insan il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr sincèrement, plus ça montre qu'il aime Allah azza wa jal. لماذا لأن الله عز وجل il nous a ordonné de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, obéis à ses ordres. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Et combien d'adillah في طاعة النبي sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, فعليه باتباع النبي sallallahu alayhi wa sallam. أما certaines bid'a, fêter telle naissance ou accrocher des versets ou voyager dans tel endroit qui n'est pas mashru', tout ça, ça ne fait pas partie d'eux. Mais c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. Allah subhanahu wa ta'ala il déteste les innovations dans la religion. C'est pour ça que ça fait partie de l'égarement. Kullu bid'atin dhalal. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as qu'une voie. Tu n'as pas 10. Tu n'as qu'un chemin. Si tu veux vraiment acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ay jumlatan, globalement, c'est le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Thumma, dans le suivi du prophète alayhi salam, il y a la taqwa, il y a connaître les noms d'Allah azza wa jal, il y a aimer les croyants, il y a bien sûr la salat, le dhikr, la lecture du Coran, détester les ennemis d'Allah azza wa jal, la religion complète. Walillahi alhamd, ce sujet, on l'avait traité. Comment acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, kayfa tunal mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala, on l'avait traité dans une muhadara. ولله الحمد والمنة et elle a été propagée. Donc celui qui veut az-ziyada fi hada, fa alhamdulillah. Les ulama, nahnu ma stafadna illa min ahli al-ilm, on rapporte la parole des savants ou les paroles des savants fi hada al-bab. Le dernier nom ou l'avant-dernier, al-wakil. قال في الحاشية ودليل هذا الاسم قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. On avait vu un اسم qui ressemble à هذا تذكرون تفضل الكفيل الكفيل نعم فهذا الكافل نعم لا الكفيل نعم بمد الفاء بالياء كفيل نعم on avait vu الكفيل on avait vu un autre nom là. من يذكر الحسيب نعم قال رحمه الله الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته والشمول حكمته نعم أي الله سبحانه وتعالى وكيل على جميع الخلق ça c'est الوكالة العامة ça c'est pour tous les عباد أي qui c'est qui gère qui c'est qui a créé tout le monde toutes les créatures qui c'est qui gère الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut. Ça, c'est pour tout le monde. ثم قال والذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. Ça, c'est الخاص. Ça, c'est que pour les croyants. فالله سبحانه وتعالى تولى أولياءه أي المؤمنون. C'est lui qui leur a facilité et c'est lui qui il leur suffit. كما تقدم معنا في الحسيب. كذلك ما يتعلق بالكافي. On avait vu. قال فمن اتخذه وكيلا كفى. Et ça c'est الثمرة. Ça c'est le fruit de سنة. فمن اتخذه. Il y a une erreur هنا. همزة. C'est همزة وصل هنا. Il y a des erreurs dans ce livre. من حيث الطبع. C'est des erreurs d'imprimerie. Ou ceux qui ont recopié. Ils ont. كثيرا. Ils ont mis des همزة qu'il ne fallait pas. كثيرا. Ils ont mis des alif à la place des ya ou l'inverse. فعلى كل حال هذا c'est le fruit. أن من اتخذه وكيلا كفى. الله سي الحسيب. حسبنا الله ونعم الوكيل. Place ta confiance en Allah سبحانه وتعالى. C'est le wakil. Il te suffira. قال رحمه الله. Il a cité le verset. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من توكل على الله سبحانه وتعالى كفى. فالله سي ولي الذين آمنوا يخرجهم سلوي كي لي غيد سلوي كي لي بريزير من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب سي واحد يبغى يفير دو مال ان دي ان دو سي ولي كي سيتي دون سو فيرسي الله ولي الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى لي لي فا لا غير اي بريزير سو مؤمن وهذا الاسم تقدم معنا ولله الحمد لو سونس سا ريسمبل ا الكفيل الحسيب هذا والله الحمد تقدم. أنا بسيت أن من الثمرات بيان سور التوكل على الله سبحانه وتعالى كذلك تفويض الأمور إلى الله عز وجل. فلي أسباب فلي كوز أما تا كونفيونس الاعتماد تو كونت سور الله سبحانه وتعالى سول. ثم رحمه الله لو ديرني نو الوهاب فهذا تقدم معنا بك اسم البر الكريم وديبو دو ليبر ولله الحمد فبهذا انتهينا من هذا الكتاب ولله الحمد سا سوجي تري تري امبورطون اي اون ا سوفون كونسيي دوران سيت ايتود اون سامبل ايتود او اون بروميير ايتود سا سوفي با إمامة لأن يا بوكو دو نون يا بوكو دو سانس يا بوكو دو أنا سيتي بوكو دو ثمرات فالإنسان دوا ريفيزي أن ليزون دوطخ ليفر أنا أبي سيتي دي ريفيرونس أن ليفر سامبل سي دون سو مجموع أنا لو ليفر دو شيخ زايد جوست أبخي أي أون رسالة أون بويزي كيلا كريس كونسيرنون لي نون دو الله عز وجل لا إكسبيكي سي أن تفسير تخي كونسي ريزومي لكن فيه فوائد طيبة. كذلك dans ce même مجموع le livre de Cheikh عبد الرزاق وفقه الله il est طيب جدا فتوسع il a plus détaillé la chaque et bien sûr les كتب d'Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه الإمام que ce soit النونية ou autre et d'autres livres هذا c'est أنفع العلوم et ce sujet ça doit être permanent معنا إما on étudie un livre avec un Cheikh avec un frère entre nous إما on écoute des audios, إما on lit une risale, المهم on doit constamment être lié à ce sujet. لماذا؟ لأن c'est أعظم العلوم كما تقدم. Et vous avez vu, استفدنا كثيرا, beaucoup de فوائد. En étudiant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait, tu vas étudier en l'aqiqa les attributs d'Allah azza wa jal, certains qui sont liés à ces noms, et tu vas étudier ta aqida, c'est-à-dire que tu vas renforcer ton comportement, ta façon d'agir, ta façon de penser. هذه الأسماء لها معاني عظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس أن يجعل فيها بركة ونفع. Il manque certains noms. On essaiera de, inshallah, samedi ou dimanche ou un autre jour, قريباً, le temps de les répertorier, بإذن الله عز وجل, certains noms que Cheikh Saadi n'a pas cité هنا et qu'on n'a pas cité dans le cours. Très brièvement, un cours, citer un sens simple, et à la Kulihal, au moins savoir qu'il y a des autres noms. On les notera à la fin de notre livre. On les notera, Ism Kada, Ism Kada, Al-Warith et d'autres. كذلك لا بس de faire une ishara à certains noms, est-ce qu'ils sont ثابت ام لا, comme les Muhsin, comme d'autres noms que Huna il a pas cité, rahmatullah alayh. فنسأل الله عز وجل التوفيق. Qui c'est qui avait noté la date de début? Attends, on met la date de fin. D'habitude, on a une note. الثالث ربيع الثاني. تمام. الثالث ربيع الثاني. On est à الرابع والعشرون أظن, أو الخامس والعشرون جمادى الثاني. والحمد لله. Le prochain cours, ça sera sur شرح الواسطية. On essaiera de commencer mardi. Et كذلك sur après le Wasdiya, شرح رياض الصالحين de Shurma al-Rimin, Kitab al-Tawba. Et on essaiera كذلك de commencer là, après les deux cours, s'il reste du temps, de lire des, à chaque fois on essaiera de lire des fatawa de grands savants dans divers sujets. Bi tawfiq billahi azza wa jalla. Pour ceux qui nous écoutent, on propagera le programme, on essaiera de propager le programme qariben. Pour citer le quel charge on va prendre de l'Ouastiya il a akhri, fahada, on propagera sur Telegram ou autre le programme bi'idnillah azawajal. Naktafi bihada, subhanak lahum hamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.